Puis nous revenons dans la salle à manger du boulanger. Il n'y a plus que Maillefer, le marquis, le prêtre, le boulanger et l'instituteur. Alors, toi, tu n'y vas pas? Ah non, monsieur le marquis. Moi, je ne veux pas la voir hors d'ici. La dernière fois que je l'ai vue, c'était dans cette maison. La prochaine fois que je la verrai, ce sera ici. Ce qui s'est passé entre ces deux moments, au fond, je n'en sais rien. Et alors, qui va y aller? À mon avis, il ne fallait pas envoyer beaucoup de monde, monsieur le marquis, deux ou trois personnes. Moi, je conseille monsieur le curé. Oui, il a une belle voix, il sait parler, il a l'habitude. Oui, alors ça, c'est vrai. Et puis, d'ailleurs, les curés, c'est fait pour chasser les démons. Il y a donc un démon dans cette histoire? Soyez-en persuadé, monsieur, le démon a sa part dans tous les péchés. Et il en est donc seul responsable. Ah, voilà, monsieur, l'esprit fort. Monsieur supprime la responsabilité du pécheur et la reporte tout entière sur le malin. Mais non, monsieur, mais non. Nous avons tous notre libre arbitre qui nous permet de repousser les tentations. Ainsi, en ce moment même, dans cette cabane du Marais, la présence du malin est indiscutable. Mais la femme de notre ami a aussi à côté d'elle son libre arbitre. Mmh. Et elle peut s'en servir quand elle voudra. Ah, ça non, hein? Ah non, hein? Que ça recommence plus, hein? Moi, je m'en fous du libre arbitre. Qu'elle revienne tout de suite. Et que le libre arbitre, il aille garder ses moutons. Moi, je lui casse la gueule. Et j'en fais des fougasses, moi, du libre arbitre. Non, écoutez, vous l'avez pas très bien compris, mon bon ami. Mais si, j'ai très bien compris. Ce berger est un sorcier, comme tous les bergers, d'ailleurs. Alors, n'est-ce pas, quand il a vu, il a fait du charme, là. Il lui a jeté un sort. Et maintenant, elle est enchantée. Il est possible, en effet, qu'elle soit enchantée. Oh, c'est même certain, sans ça, elle ne serait pas partie. Mais parfaitement. Ma femme ne se rend pas compte de ce qui se passe. Toute nue. Mais je ne l'ai jamais vue toute nue, moi. Je ne suis pas une femme à faire ça, voyons. Non. Il lui a mis le démon dans le corps. Le diable au corps. Exactement. Oui. Alors, n'est-ce pas, quand le diable verra le curé, eh bien, le démon sera bien obligé de s'envoler et ma femme sera sauvée. Il est certain que mon berger est très pieux. Seulement, il faut traverser le marais, puisqu'ils sont dans l'île et nous n'avons pas de bateau. Et on ne peut pas passer si on n'a pas de bottes en caoutchouc. Ben, je peux prêter les miennes à monsieur le curé, j'ai de grandes bottes cuissardes. Ah, ben ça, c'est très bien, ça va, c'est très bien. Et Maillefer mènera monsieur le curé. Ah, moi, je veux bien. Oui. Seulement, je vous préviens, de marcher dans le marais, c'est très dangereux. Il faut connaître les sentiers qui sont sous l'eau. Et celui qui ne les connaît pas et que le pied lui glisse, t'es adieu. Oh, pour monsieur le curé, ce serait un voyage direct au paradis. Oh. Si j'en étais sûr, Maillefer, je ne m'en plaindrais pas. Mais je ne suis pas certain du terminus. Et je les connais très bien, moi, ces marais. J'y ai chassé très souvent. Eh bien, il y a une solution toute simple. Monsieur l'instituteur va mettre ses bottes en caoutchouc et il portera monsieur le curé sur le dos. Oh. C'est le mieux. Allons donc, ce serait ridicule. Mais ça ne fait rien. Il y aura personne pour vous voir. Non, écoutez, monsieur le curé, ça, il faut le faire. Il faut monter sur le dos de l'instituteur. Il faut le faire, monsieur le curé. Moi, je veux bien. Oui. Oh, vous m'aviez déjà dit que vous vous considériez comme un animal. Oh, écoutez, monsieur le curé, si monsieur l'instituteur consent à servir de monture à un prêtre, c'est un hommage involontaire, peut-être, mais un hommage à la supériorité du clergé. Oui, ce sera plutôt un petit sacrifice à la douleur du boulanger. Disons que ce sera les deux à la fois, et n'en parlons plus. Eh bien, merci, monsieur le secrétaire. Et ce sacrifice, je le ferai de grand cœur, pour soulager la peine d'un de mes semblables, sans aucune idée de récompense, et sans aucun espoir de paradis. Qu'en savez-vous? Je sais très bien que je n'irai pas en paradis. Est-ce que vous croyez que votre bêtise vous met à l'abri de la bonté de Dieu? Je croyais que les hérétiques et les incroyants allaient en enfer. Mais l'enfer, mon pauvre ami, mais vous y êtes en ce moment. Vous menez une vie étroite et dure, sans les lumières de la foi, sous un ciel creux. Écoutez, moi je crois que vous feriez mieux d'aller chercher les bottes. Ça irait beaucoup plus vite que vos petits discours qui sont charmants. Oui, il a raison, allons-y. Oui, allons-y, allons chercher les bottes, allez chercher les bottes, allez, monsieur.